Diffondant. Dans ton salon. 89. Le plan d'aujourd'hui est assemblage requis. Simon Fitzbé décortique un mythe du rock'n'roll. On reçoit le groupe Trifluvien, un Hard Day's Night. On fait le tour du net dans la chronique CNX. Et tout ça, c'est assemblage requis et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées, comme on dit. Moi, c'est Kiwan. On le dit souvent. On le dit très souvent. Nous sommes deux des morceaux du casse-tête, mais un casse-tête qui est surtout composé de nos merveilleux chroniqueurs et de notre contenu magnifique. Oui, plein de choses. Salut Mathieu, ça va bien? Salut, oui, super, et toi? Ben oui. Et je suis sûr que Simon Fitzbé va aller très bien aussi tantôt quand tu vas nous parler de l'expression Rolling Stone ou du nom Rolling Stone qui est accommodé à toutes les sauces. Je dirais. Il y a sûrement une marque de sauce qui s'appelle Rolling Stone, j'imagine aussi, je sais pas. Donc ça va être ça le thème de sa chronique d'aujourd'hui, Rolling Stone. Absolument. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Mm-hmm. Ça doit venir de là, j'imagine. Il va nous le raconter. Tantôt. On va aussi recevoir un groupe trifubien. Hard Day's Night qui vont être en spectacle vendredi prochain au Charlot. Et puis, c'est ça, c'est un groupe qu'on connaît pas vraiment. Est-ce que tu connais ce groupe-là? Non, pas encore. Moi non plus, je m'en confesse, mais on va le découvrir tantôt. C'est pour ça qu'on les a invités. C'est pour vous les faire connaître et pour les connaître en même temps. Donc, c'est aux alentours de 4 heures. Ça, on va parler avec Charles du groupe Hard Day's Night. Aussi, dans l'émission aujourd'hui, on va avoir les capsules de Régis Solerie. On vous en présente deux à chaque émission jusqu'au jour de l'Halloween. Quoi d'autre d'une chronique CNX, on va faire le tour du net. Des choses qui sont passées cette semaine ou très récemment sur les internets que vous devez savoir, vous devez être au courant de ces choses-là. Donc, on fera ça tantôt. On va commencer en musique. Oui, avec le groupe The Sounds et la pièce Underground. Bon, tout de suite, à Assemblage Requis. Au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. Let us go back to the time when the underground was the place where we all used to hide away. Let us go back to the streets where it all began. How could I know? It was the last time I saw you. 17 and believed in just anything. Could be true, could be bad, something in between. I recall all those lazy summer. Even though people say that this is where you belong, you can easily stay. Allez, ne t'en fais plus. Jonathan, on est Pénélope. C'est sur le palmarès francophone de C'est fou en ce moment, ça. C'est un assemblage requis. Oui, tout à fait. Vrai! Tu dis la vérité! Il reste encore quelques minutes à patienter avant d'entendre ta chronique technologique CNX, Mathieu, parce que c'est toujours aux alentours de 15h20. En attendant, on va retourner en musique. Qu'est-ce que t'en dis? Bonne idée. Allons-y tout de suite. On a du Sébastien Lafleur. Et tantôt, on va se mettre à chanter tous ensemble. Tu vas voir ce que je veux dire en écoutant la chronique. Ah, comme dans l'épicerie, on chante sur notre jambon. Intriguant, ça. Je te mets l'eau à la bouche. Hey, t'as un beau polo. Merci. Ouais. Ok, c'est le nom de la pièce. Ah. Je te donnerais une fleur si j'en avais une, Sébastien Lafleur. Qu'il écoule ton polo. Tes épaules, tes pectoraux, je jaloux cette seconde peau. Qu'il écoule ton polo, comme il épouse ta caisse claire. Que ton torse quand il tape, quel gorille métronome ton polo. Le polo de Pierre-Paul, qu'il est beau ton polo. Comme son bleu rappelle tes yeux, son écusson Monte Carlo fait craquer les latinos. Qu'il est beau ton polo, on ne voit que lui dans le bus. Il émerveille les marmots, il éclipse tous les barbeaux, ton polo. Le polo de Pierre-Paul, polo de poil. Qu'il est doux ton polo, que sa laine a l'air confort. On fait la file pour te flatter, on pleure sans départ quand finit ton quart. Qu'il est doux ton polo, j'attends toujours ton accolade. Je la préfère à mon labrador. Je veux le même pour couvrir son corps. Le polo de Pierre-Paul, polo de poil. Kiwan et Mathieu. Assemblage requis. Filo de Malajube à Assemblage requis. Oui, juste avant ça, on avait entendu Le Nombre avec la pièce Tous ceux de ma race. C'est assez vieux, ça, quand même, comme pièce. Ça date de 2005. Et tu me disais que tu te rappelais pas hein, le clip qui avait été fait pour cette pièce-là. Non, du tout. Il était vraiment... C'était fait avec des marionnettes. Mais des marionnettes un peu trash, mais en même temps, c'était un peu inspiré comme le style, mettons, Sentinelle de l'air. Okay. Avec les cordes qu'on voit, tout. Mais vraiment très trash. Là, c'était comme, dans le fond, une performance live du groupe là, dans un bar, avec du monde qui se saoule puis qui joue du gros rock sale, mais toutes des marionnettes. C'était vraiment très, très hot. Très sympathique, ça. Ouais. Je me rappelle, il y avait un talk show, le talk show de Conan O'Brien aux États-Unis, Late Night dans le temps. Maintenant, c'est le Tonight Show qui anime, mais il avait fait une émission où il prenait son talk show d'une heure au complet et le refait avec genre de la pâte à modeler. Ça me rappelle ça, c'est vraiment drôle. Cherchez sur YouTube le Conan, je sais pas, pâte à modeler. Puis c'est le fun de voir les invités qui, tu vas faire le mouvement comme ça. C'est drôle, cette manie-là de faire du stop motion. Ça me rappelle Patrick Boivin, dont je parlerai tantôt dans le bloc autour du net. Psychopathe. Très, très bon, celui-là. Mm-hmm. On va écouter pour l'instant la musique de The Bird and the Bee. Voici Again and Again. C'était Assemblage requis au 89.1 FM.

Oui, vous êtes toujours à Assemblage Requis sur les ondes du 89.1 FM et on vient d'entendre le groupe Hard Day's Night. Et c'est un groupe de Trois-Rivières que malheureusement on connaît pas tant. Puis c'est dommage parce que ça sonne vraiment bien ce qu'on vient d'entendre, c'est la pièce Over It. Est-ce que tu connaissais ça, toi, Mathieu, le groupe Hard Day's Night? Non, je connaissais pas, j'ai bien aimé. On le découvre aujourd'hui, le groupe. Mm-hmm. Et pour nous en parler, on a Charles, le guitariste, qui est ici. Salut, Charles. Bonjour. Ça va bien? Oui. Parle-nous très près du micro. Oui, c'est bon. Donc oui, c'est ça, on se sent un peu inculte parce qu'on connaît pas votre groupe, puis vous venez de Trois-Rivières, vous êtes d'ici. Ça fait combien de temps que le groupe existe au juste? Environ un an et demi là, qu'on joue ensemble les trois. Là. OK. Puis à date, je sais que vous avez pas tant joué à Trois-Rivières. Est-ce que vous avez fait plusieurs spectacles déjà ici dans le coin? Oui, ben on a fait la relève l'année dernière au Grand Brignus. OK. Fait une couple de spectacles dans le coin, puis c'est ça. Puis on a fait un spectacle le mois dernier avec Sob au complexe, puis on joue. On fait une couple de spectacles dans le coin. On a joué à Montréal aussi beaucoup. Puis OK. Puis vous avez pas vraiment encore d'album démo. Je sais que tu nous as apporté ici deux pièces que vous avez déjà enregistrées. Est-ce que vous avez. Ça a été enregistré à Trois-Rivières, ça? Oui, ça a été enregistré. Ben, c'est ça. C'est comme. Le studio à notre bassiste, là, on enregistre chez lui. Là, pis, fait que c'est vraiment homemade, bref. Ouais, c'est homemade. Là. C'est pas dans un studio professionnel, nécessairement. Mais ça sonne quand même très bien. Ouais. Pour, ouais, absolument. Ouais. Ouais. Puis c'est pas mal la seule raison qu'on faisait pas jouer, c'est parce qu'on n'avait pas encore le démo. Ouais, mais tant qu'on l'a, on pourra le faire aussi. Exact. Hey, je regardais sur votre site internet, j'ai vu que vous avez participé au Vans Warped Tour cette année. Oui, cet été, on a participé au concours qui s'appelle Ernie Ball Battle of the Band. Puis. On a remporté parmi environ 300-400 ben là, pour aller jouer à Montréal. Fait que on était bien contents. Ben, ça doit, oui. C'est une belle expérience. Là, c'est bon pour le CV. Là, ouais, est-ce que vous avez fait des contacts un peu là-bas avec. Ben, on a parlé avec quelques groupes. Là. T'as eu backstage. On parlait avec des groupes comme The Main, puis Versailles Merch, puis le Soundman aussi. Là. C'était le fun. C'est une belle expérience. Ah, c'est cool. Là, le prochain spectacle, celui de cette semaine, la raison aussi pour laquelle un peu on t'a invité, c'est que vous avez un spectacle au Charlot cette semaine, puis c'est en version acoustique, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que vous faites souvent des spectacles acoustiques? Non, c'est notre premier spectacle acoustique, puis on aimerait ça peut-être répéter l'expérience. Là. On aime bien ça, l'ambiance, tout, là, c'est le fun. Après, ça fait voir les pièces d'une autre manière. Là. C'est pas la même dynamique nécessairement, là. C'est le fun. OK. Vous êtes en spectacle avec un groupe de Nicolette, je pense, hein, c'est ça? We Don't Fight Fair. Fight Fair, c'est ça. Donc, eux aussi un groupe rock, punk, pop, là, un peu dans votre style, mais qui va jouer acoustique aussi. Ce soir. OK, donc le spectacle, c'est vendredi? Oui, vendredi à 8h au Charlot. OK. D'accord, donc on va y aller, puis on va écouter une deuxième pièce. On va écouter Maybe tout de suite, pourquoi pas. Tantôt, j'avais pas dit, je crois que la pièce était Over It. Est-ce qu'on l'avait dit? Ouais, peu importe. Je sais pas. Donc celle-ci s'appelle Maybe. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. La formation. Merci à vous. A Hard Day's Night. On va suivre ça. Lay down in my place. A few words from now and then. I realize I'm just a child left to say. Maybe the ghost. La pièce Maybe de la formation A Hard Day's Night. Donc, ce vendredi au Charlot, en version acoustique avec We Don't Fight Fair. Et sinon, allez faire un tour sur leur MySpace qui est www.myspace.com/A Hard Day's Night Band. Et vous allez voir, il y a quelques spectacles d'annoncés déjà à Trois-Rivières puis à Montréal dans les prochains mois. Donc, on va surveiller ça. On les encourage. A Hard Day's Night. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis, mais il y en a une deuxième qui s'en vient. Oui, et au retour, Simon Fitzbay va être là. Oui, il va nous parler des différentes utilisations de l'expression de la phrase « Rolling Stone ». Tu sais qu'à part un magazine, tu sais, il y en a d'autres, là. « Rolling Stone ». On va voir ça tantôt. Pierre qui roule, ne masse pas le retour de la pause. Restez là. Retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis. C'est l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. On est ensemble jusqu'à 17h avec une ribambelle de contenu absolument génial. Tout à l'heure, on va avoir une autre chronique de Régis Solerie sur le diable dans tous ses états. Hein? C'est vrai? Oui, on va aussi parler de quelques nouveautés CD qui sont sorties aujourd'hui. Dont Egan and Sarah, si j'ai bien oui, vu. Oui, effectivement. J'ai bien vu les bandes de leur chandail et leur petite couette d'en face. Petite couette d'en face, non? Couettes d'en face, tu sais. Ils ont des petites couettes d'en face, effectivement. Ben oui. Bon. Effectivement. C'est pas que j'invente des affaires, mais quand je parle de couettes, là. Toi, tu te connais en couette. Oui. I know ma couette. Mathieu et la couette. C'est mon deuxième nom. Mathieu Couette Plante. Bon, je vais arrêter. I'm gonna quit it. Voici We Are Wolves et Paloma. Assemblage avec lui. Quit it. Come on. ça beaucoup. C'est comme à l'extrême, genre. Un peu comme We Are Wolves dans le sens que c'est extrêmement bon. Oui, on vient d'entendre Paloma et We Are Wolves vont être à Trois-Rivières jeudi prochain avec Parler. Oh! Hey! Deux groupes à ne pas manquer certainement, là. We Are Wolves et Parler ensemble. C'est quelque chose. Tout assemblage requis jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu. Et maintenant, c'est l'heure d'accueillir Simon Fitzbé et sa chronique sur les mythes du rock'n'roll. Paul is dead. Il est mort. Salut Simon. Salut, ça va bien vous autres? Oui. Ouais. Alors, profitez bien de l'université à moitié vide pendant la semaine d'études. Il y a autant de monde, on dirait, il me semble. Ouais, hein? Je suis venu hier soir, je m'attendais à ce que ça soit vide pour le cadre de mon émission, puis il y avait plein de monde, à part dans la chasse, là, mais il y avait plein de monde à l'université, à la bibliothèque. La cafétéria aussi. Ouais, cafétéria, très, très achalandée, toujours. C'est pas parce que ça dit relâche. En fait, c'est une semaine de travaux d'études, celle-là, ou de relâche? Parce que c'est travaux d'études et au mois de février, mars, c'est, relâche. Mais encore là, c'est pratiquement la même chose. Donc, c'est ce que tu veux, finalement. Ça. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être la semaine de on mange des patates. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je m'en vais au glissade d'eau, là, en relâche, dans le fond. Glissade d'eau, mois d'octobre. j'avais pas pogné pas dans la glace. Bon, donc on parle de Rolling Stone aujourd'hui dans ta chronique. Oui, ben il y a de ces mots, c'est des états d'esprit, des expressions au niveau du rock qui reviennent souvent, entre autres le mojo de Jim Morrison, en fait le mojo rising qui parlait de son âme dans le fond, mojo qui a été repris ensuite pour faire un nom de revue en fait, et c'est aussi une expression au niveau journalistique, c'est-à-dire journaliste mobile en fait qui se promène avec sa caméra qui fait lui-même ses topos. Mon bad journaliste, c'est aussi le surnom de Maurice Jaudoin. Oui, je pense. Oh! Mojo G. Très fort. Ouais. Ah oui, ça doit. Donc, et dans ces expressions-là, il y a entre autres les mots Rolling Stone qui a une origine, en fait, qui remonte quand même au début du siècle. Le premier qui a été qui a utilisé, en fait, cette expression, ce mot, c'est monsieur, donc Robert Wilkins en 1928 qui a enregistré la pièce Rolling Stone. Malheureusement, j'ai pas l'extrait. Je crois pas qu'il en existe, en fait, puisqu'on était encore à l'époque des disques de cire, mais on sait que cette pièce existait en 1928, et il l'a joué en concert ainsi que sur album. Mais c'est grâce au grand Muddy Waters qu'on doit la popularisation du nom Rolling Stone avec son premier succès, Rolling Stone. Et c'est une pièce fondatrice du rock'n'roll qui a été écrite en 1948. La pièce de blues est reconnue comme une des premières pièces en fait qui tend vers le rock. Muddy Waters a été reconnu comme étant un instigateur de la British Invasion puisqu'il a été invité en 1958 à faire une série de concerts en Angleterre, lui qui était un artiste américain. Il a fait connaître le son déchirant de sa guitare électrique et à de nombreux jeunes Anglais qui n'avaient encore entendu que du folk blues acoustique. Et dans ce bain de jeunes Anglais se trouvaient Keith Richard et Mick Jagger. On va aller écouter la pièce justement Rolling Stone de 1948 de Muddy Waters. Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good-looking women fishing after me, showing up after me. Showing up after me. Oh, love. Oh, love. Showing up. I went to my baby's house and I sat down, oh, on her stair. She said, come on in, I'm muddy, you know my husband just not left. Showing up and just not left. Showing up and just not left. Oh, Lord. Oh, well. Oh, well. Well, my mother just before I was born, I got a boy child's coming, gonna be. He's gonna be a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Oh, well, he's a. Oh, well, he's a. Oh, well, he's a. Donc, la pièce Rolling Stone de Muddy Waters. Muddy Waters qui a été une influence incroyable au niveau de la musique, entre autres, comme je disais, les Rolling Stones. En fait, Keith Richards et Mick Jagger qui ont assisté à ses concerts en 1958 en Angleterre. Et il est reconnu comme étant un des instigateurs de la British Invasion qui a eu lieu dans les années 60, en fait, où les groupes anglais envahissaient les ondes des radios américaines et mondiales avec leur rock'n'roll inspiré des Américains. C'est le diable! The Yaob. Donc, les jeunes hommes, Keith Richards et Mick Jagger, étaient passionnés de la musique de Chuck Berry, Bo Diddley et bien sûr Muddy Waters. Et au début des années 60, ils se sont associés à un groupe fondé par Brian Jones et qui sera baptisé rapidement The Rolling Stones en hommage à Muddy Waters. Et sa fameuse chanson, bien sûr. Les trois premiers albums des Stones ont été composés de reprises de succès américains et qui ont fait de la renommée du groupe en Angleterre et aux États-Unis, puisqu'ils étaient les seuls, en fait, à l'époque, à faire pratiquement que des reprises, mais surtout des reprises de pièces américaines de rock and roll. Les Beatles faisaient aussi des pièces rock and roll, mais beaucoup de R&B dans leur premier album, donc c'était un peu différent et ce qui donnait un peu une allure plus rebelle aux Rolling Stones, puisqu'ils s'inspiraient vraiment des musiciens noirs américains qui étaient les premiers rock and rollers, dans le fond. Et aussi, ce qui est bizarre, c'est que dans ces trois albums-là, malgré que le nom du groupe soit inspiré de Muddy Waters, il n'y a aucune reprise de Muddy Waters. Il y a des pièces de Chuck Berry, de Bo Diddley, mais aucune donc de l'instigateur du nom du groupe. Ils ont rencontré Muddy Waters lors de leur première tournée américaine en 1964. Se sont présentés comme un groupe étant inspiré de sa chanson Rolling Stone. Et il a été très touché, mais malheureusement, il faisait pas le lien quand même. Il comprenait pas que des Anglais s'intéressent à sa musique vraiment. Et ils ont aussi profité de cette tournée pour enregistrer une reprise de Bobby et Shirley Womack à la pièce It's All Over Now dans les célèbres Chess Studio où Muddy Waters a enregistré la plupart de ses grands succès entre les années 50 et 70. Donc, ils étaient dans un studio célèbre. On peut comparer ça un peu au Sun Studio où Elvis enregistrait avec Johnny Cash aussi à cette époque-là. Mais c'était plutôt... Chess était le studio des Noirs et Sun était le studio des Blancs. En général, là, sans être Ségrégation. Ouais, c'est ça. C'était une ségrégation qu'il y avait dans ce temps-là. Petit point en dehors du sujet. Là. Beaucoup de pièces, justement, qui étaient enregistrées par les artistes noirs à Chess Studio étaient souvent repris par Sun Studio, par des Blancs, pour que ça soit populaire. Pour faire de l'argent. Grand bassin, ouais, pour faire de l'argent. Mais les versions des Blancs étaient rarement aussi bonnes que les versions originales. Et donc... ils ont invité aussi Muddy Waters plus tard en Angleterre pour les accompagner en tournée et ils ont joué souvent des concerts hommage, ils ont joué avec lui aussi. Muddy Waters qui est décédé en 1983 et les Rolling Stones toujours qui rendent un grand hommage à ce grand de la musique. Et il y a eu un film aussi qui a été fait, c'est Cadillac Records qui est sorti en 2008. Où on peut voir justement, on a recréé cette rencontre des Rolling Stones avec Muddy Waters. C'est un film qui traite en fait, qui raconte un peu l'histoire de Chess Studios avec entre autres Chuck Berry, Muddy Waters et il y a Beyoncé qui joue. Et le nom, enfin je l'ai pas dans mes notes, le nom m'échappe. En tout cas, c'est une très belle prestation de la part de tous ces acteurs dans ce film. C'est vraiment un très très bon film. Cadillac Records. Cadillac Records. Il y avait un talk show aussi avec Norman Brathwaite basé sur Cadillac l'histoire Rose, Cadillac Rose. Exactement, ouais. C'est ça. Le magazine Rolling Stone, ensuite, donc, qui est un peu la troisième incarnation de ce thème ou de cette idéologie du rock, il a vu le jour en 1967 suite aux efforts de Jan S. Wiener et critique de disque Ralph Gleason. Le nom de la revue est bien évidemment inspiré de la pièce de Muddy Waters, Rolling Stone, mais aussi du groupe du même nom, qui en 1967 avait déjà une bonne notoriété. En entrevue avec Charlie Rose hier soir sur les ondes de PBS, je me couche tard donc j'ai pu écouter ça, et c'était Wiener qui était en entrevue, il a expliqué pourquoi Rolling Stone Magazine n'est pas appelé ça, mettons, The Beatles Magazine. Ouais. Il a dit « Les Beatles, c'était les bons petits garçons sages avec la coupe de cheveux populaire, la musique très gentille, alors que les Stones étaient... des purs rebelles qui respiraient le rock'n'roll, qui s'habillaient en cuir et qui donc faisaient une musique beaucoup plus américanisée que les Beatles, dans le fond. Donc, c'est une traduction libre de ce qu'il a dit. Et le magazine, c'est ironiquement qu'il a, la première page, en fait, du premier numéro en 1967, et c'était John Lennon qui était sur la couverture, et c'est dans le cadre de son film How I Won the War, donc Rolling Stone avec un Beatles sur le dessus. C'est très spécial. Intéressant. C'est un peu spécial comme nom de magazine en tant que tel. C'est vraiment comme si un magazine de jeux vidéo s'appelait Mario Bros. Là, ouais, exactement. C'est ben, ou Nintendo Power. Mais ouais, ce serait ridicule. Je veux dire, qui aimerait un magazine Nintendo? C'est bizarre. Ça n'existerait jamais. Non, exactement. Mais oui, c'est vrai, c'est effectivement bizarre que Rolling Stone, mais ça participe justement à cette culture toujours de garder. C'est comme Mojo avec Jim Morrison. C'est un peu gardé, si on veut, cet esprit rock'n'roll. Et vraiment, donc, l'acheteur va savoir tout de suite ce qu'il voit, ouais. Que c'est du rock. Donc, maintenant, on passe à Bob Dylan, qui est le dernier personnage dont on traite aujourd'hui. Il a utilisé aussi l'expression Rolling Stone lors d'un tournant important de sa carrière. Lui qui était, jusqu'en 1965, un musicien folk qui ne touchait pas vraiment à la musique électrique. Lors des enregistrements de ses chansons, c'était donc il jouait surtout le guitare acoustique, et il changea pratiquement lors de sa rencontre avec les Beatles en 1964. C'est un groupe qu'il voulait rencontrer puisqu'entre autres ils avaient les cinq premières pièces du top 40 américain, donc c'était les Beatles. Il s'est dit ça doit être bon, ça, je vais essayer de les rencontrer. Chose qu'il a fait, et ça l'a vraiment frappé un peu que le succès de ce groupe populaire électrique et la musique des Beatles intéressait vraiment beaucoup. Et il s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire donc avec le rock dans son folk. Et c'est entre autres l'album Rubber Soul des Beatles qui l'a poussé un peu à expérimenter avec la guitare électrique. Il en avait déjà joué au secondaire, Dylan, de la guitare électrique, mais il l'avait laissé de côté pour l'acoustique. Et il a enregistré, il s'est mis à enregistrer avec une guitare louée, des pièces rock and roll avec guitare électrique, bien sûr. Et donc, des pièces comme Maggie's Farm et Subterranean Homesick Blues qui paraissent sur son album Bring It All Back Home en 1965. Mais c'est surtout une pièce en particulier sur l'album suivant, l'album Highway 61 Revisited, qui vient créer un peu une controverse au niveau des fans de Bob Dylan et qui marque le changement particulier, le changement de cap électrique pour Bob Dylan. C'est la pièce Like a Rolling Stone sur l'album Highway 61 Revisited. Et donc, on va aller l'entendre tout de suite, cette très très bonne pièce qui marque le début d'un Bob Dylan nouveau en 1965. Time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? Unknown, like a rolling stone.

Donc, on a entendu la pièce Like a Rolling Stone de Bob Dylan qui est parue sur son album Highway 61 Revisited, qui représentait un peu un nouveau, une nouvelle façon de voir la musique pour Bob Dylan. Cette chanson qui a impressionné beaucoup de musiciens, dont John Lennon et Paul McCartney, qui ont compris qu'il fallait toujours aller un peu plus loin dans le rock, et ce qui a mené un peu à l'enregistrement de leur album Revolver qui suivait Rubber Soul. Bruce Springsteen, qui s'est inspiré un peu de ce style rock de Bob Dylan pour créer son propre style plus tard. Et ensuite, Frank Zappa, qui a déclaré avoir entendu cette chanson et s'est dit tout de suite qu'elle représentait une révolution musicale et que si les gens répondaient à l'appel, lui-même, Frank Zappa, n'aurait plus à faire de musique puisque n'aurait plus à faire la musique de sa vie, mais malheureusement, les gens n'ont pas embarqué dans cette révolution musicale. Et j'ai une petite anecdote sur Highway 61 Revisited, en fait, sur la pochette de l'album. On peut voir Bob Dylan qui tient quelque chose dans sa main et c'est en fait une ash pipe, donc une pipe pour fumer de la marijuana. Et donc, à cette époque, en 1965, c'était pas vraiment... si on veut, répandu cette culture de drogue encore. Donc, Bob Dylan qui en a profité, dans le fond, pour prendre une photo qu'un objet qui est normalement illégal aux États-Unis, mais personne s'en est rendu compte à l'époque dans la maison de disques. Ça a passé complètement inaperçu. Donc, c'était l'anecdote du jour. Et donc, pour terminer, que ce soit une chanson, un groupe, un magazine, un signe d'un changement radical ou d'une simple expression, le terme Rolling Stone peut est en lui-même un signe du rock and roll et représente la pensée des rockers. Et elle représente aussi un renouvellement perpétuel du rock and roll, puisque Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Donc voilà. J'attendais celle-là. Une petite fin zen, hein, c'est beau. Mais tu sais qu'en anglais, Rolling Stone gathers no moss. Hein? Est-ce que c'était l'expression qui a donné le nom ou est-ce que c'est le nom qui a donné l'expression? La poule ou l'œuf qui est venu en premier? En fait, c'est ça. On n'a pas. J'ai regardé un peu pour Muddy Waters et j'ai aucune signification de Rolling Stone, en fait. Parce qu'il venait d'un. Il disait venir d'un petit village qui s'appelait Rolling quelque chose et donc ça serait tout simplement Pierre qui roule. Il y a aussi Family Guy en 2006 qui ont fait une genre de parodie de Muddy Waters, c'est aux toilettes qui passait une pierre de rein. Donc, Rolling Stone, ça serait pour eux une pierre de rein. Et on le voyait dans les toilettes avec son groupe. Il jouait de la guitare et il criait comme un fou pendant qu'il faisait passer sa pierre. Une pierre de rein! Et oui. Et Bob Dylan chantait ça. Ça aurait été génial. Hein? Bob Dylan qui vient de sortir un album de Noël. Hier, Bob Dylan a sorti un album de reprise de pièces de Noël. Ça doit être spécial. Hein. Mais Chantal Toupin aussi en a sorti un. Hein, ben oui. Ah, génial. Ça doit être bien meilleur, mais Chantal Toupin. Ça a commencé déjà les albums de Noël. Malheureusement, oui. Et Bob Dylan aussi qui veut s'associer à une compagnie de GPS pour faire. La pour voix. Sa voix au GPS. Non, non. Je le vois bien. Now, man, you turn right. Now, man. C'est sûr qu'il va y avoir des cas de rage au volant. Il va y avoir une augmentation de la rage au volant. Moi, c'est clair que je fonce dans un poteau avant de vouloir un GPS de Bob Dylan, pour vrai. Tu. Non. Eh bien. Donc, c'était ma chronique pour cette semaine. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vais essayer de rendre ça accessible sur mon blog très, très bientôt, en fait. Ce sera sûrement sur le site de C'est Fou avant, mais vas-y. Non, ça... Donc, je te niaise. Tu veux dire le podcast? Parce que la semaine dernière, j'ai mis le podcast de mon... Oui. Alors, j'ai pas enregistré cette semaine. J'ai mis les textes de tes chroniques. Non, justement, les textes, j'en avais pas vraiment décrit très clair la semaine passée. On s'en parle. Je vais remettre tout ça à jour cette semaine. Bon. Merci, Simon. Et moi, je vais t'offrir un cadeau. Un cadeau? Ben oui, ben tu sais, je me suis dit, tu sais, je vais prendre un petit 3 minutes. Ça me tente. Depuis des années que je connais ce petit groupe a cappella qui, là, je veux dire, je crois, n'existe plus. Da Vinci's Notebook. Est-ce que tu connais la parodie qu'ils ont fait de cette pièce Like a Rolling Stone? Non, j'ai jamais entendu. Ben, je vais te la faire entendre. Donc, voici Da Vinci's Notebook et Ally McBeal. Oh. Bye, Simon. Bye-bye. Bye. All the way from Minnesota. Please welcome Bob Dylan. Oh, my. How's it going, Bob and Tom? Good afternoon, Mr. and Mrs. America and all the ships at sea. Okay, this next song's about my favorite television lawyer from Boston. Hey. There's the key. Ready? One, two, three, four. Ching-chow, chicka-chicka-chicka-chow. Ching-chow, chicka-chicka-chicka-chow. Once upon a time, you were on prime time. Made the Monday lineup on Fox at 9. Didn't you? Your complaints and whines while defending crimes and your high hemlines make Gloria Steinem spit on you. And all the modern women heed your call and share your deep desire to have it all. But they don't see the way you stay so small. Behind the locked door of the bathroom stall, sitting there hunched over and purging your last meal. Allie McBeal. Oh, Allie McBeal. Nothing but skin and bones. Just like a Kate Moss clone. Without no muscle tone. Like a skeleton. Try to lie, say your metabolism's high, but I ain't gonna buy it when you're outsized by Ethiopians. And I just can't stand you in your flannel jammies, dancing round planning which man will get the grand tour of your fallopian. I just don't get what all the people see in your self-involvement and hypocrisy. Your Pop-Tart feminism and your cheap neuroses, as I stare into the vacuum of my TV, scratching my head and trying to understand your appeal. Everybody, Allie McBeal. Just the ladies, Allie McBeal. Just the menfolk, Allie McBeal. Just everyone at home and in your car. Oh, Allie McBeal. Think of all the chunks you've blown. And of all the up you've thrown. Into your porcelain throne. Regurgitation. Toujours Assemblage Rocky avec Kiwan et Mathieu, oui, jusqu'à 17h, ici sur les ondes de C'est fou. En passant à 17h, restez avec nous parce que Kiwan, lui, va rester avec vous, que vous le vouliez ou non, à l'émission La Dernière Porte à Gauche. Oui, La Dernière Porte à Gauche, jusqu'à 18h, je vais être avec vous tantôt, tout seul, sans Mathieu Plante. Vous êtes un peu pogné avec, puis en même temps, ben, ça vous fait comme un petit congé de moi, fait que prenez-le quand vous en avez la chance. Hein? Profitez-en. Profitez-en. Donc maintenant, c'est l'heure d'écouter quelques petites nouveautés des albums qui sont sortis aujourd'hui. On commence avec Tegan and Sarah. Oui, ben c'est ça, il y avait pas tant de trucs. En fait, il y avait beaucoup de sorties d'albums aujourd'hui, mais des trucs qui nous intéressent ici, assez fou, pas tant. Il y avait beaucoup de versions de vieux albums, soit des versions live ou des rééditions d'albums, genre de Sting, Rod Stewart, U2, plein de trucs comme ça. Et l'album de Noël de Marie-Chantal Toupin aussi. Il y avait aussi l'album de Noël de Marie-Chantal Toupin. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver rien, sinon c'est sûr qu'on se serait gâté. On aurait pu déjà se mettre dans l'ambiance des fêtes. Mais moi j'ai un classique, par exemple, d'album des fêtes. Peut-être qu'on pourra en entendre un jour, bientôt, là, pendant les fêtes. On fera aussi un classique de Marie-Chantal Toupin, un bloc avec les deux. Comme. Ben Marie-Chantal est un classique en elle-même. Donc, tu vois. Donc on va se contenter pour l'instant d'aller écouter un des deux albums que j'ai identifié, qui ont retenu mon attention aujourd'hui. Ben en fait, il y en a un qu'on savait parce que Maxime nous en avait parlé voilà comme deux semaines. Il nous avait dit que l'album s'en venait. Il est sorti aujourd'hui. C'est celui de Tegan and Sarah, les deux sœurs de Vancouver qui habitent, je crois, maintenant à Montréal ou Toronto, je ne sais plus trop. Bref, l'album s'appelle Sainthood et on va écouter la pièce Hell de cet album de Tegan and Sarah. I'm faisait quoi? Il était quoi? QRN. QRN? Kern. Je connais pas. Et on vient d'entendre Tegan and Sarah avec la pièce Hell. C'est extrait de leur nouvel album Sainthood qui est disponible depuis aujourd'hui. On va aller écouter l'autre album, l'autre nouveauté. Ça, c'est un groupe que je connaissais pas. Contrairement à Tegan and Sarah, l'autre groupe s'appelle The Swell Season. C'est un groupe irlandais. C'est un duo, en fait, composé de Glenn Hansard et Marketa Arglova. Et donc, c'est ça, c'est irlandais. C'est de l'électro-folk. Et ils vont être à Montréal bientôt. Ils sont dans une méga tournée mondiale présentement. Et c'est le 4 novembre, là, c'est la semaine prochaine, mercredi prochain. Ils sont à l'Olympia à Montréal. Et on va les écouter tout de suite avec la pièce C'est Feeling the Pull. Back to head out on the road to take away what I know is mine. And I'm running down and past the yellow house with Joe into the breeze when no one seems to care. And I'm feeling the pull dragging me off again. And I'm feeling so small against the sky. Work ourselves up into a rage. Smash and grab and pull the handle. No one says, but everybody wants to be the one just climbing out. And I'm feeling the pull dragging me off again. And I'm feeling so small against the big sky. De même, toi. Comme ça, juste fling, pom, pom, pom. T'es fort. Donc voilà, c'était The Swell Season. Et si vous voulez consulter tous les albums de Noël qui sont sortis, c'est possible aussi de le faire parce que c'est commencé. Mm. Puis si vous voulez vous rappeler des souvenirs de ce que K1M. Ça, c'est mon classique d'album de Noël. Ton préféré. C'est un succès monstre. C'est ça pendant 3 minutes. Mais c'est un album au complet. Non, je te jure. Pas avec d'autres musiques, rien. Juste ça. C'est juste ça. Wow, c'est sur disque, là. Avec un trou dedans, tout. Il y a qu'une pochette autour de toi. Je jure. Wow. En disque, tu veux dire que tu peux l'acheter? Okay, ouais, c'est sûr qu'il est sur iTunes même. Ça s'appelle Dan Foley Fredonne Noël. Il y a même un MySpace. Ben oui. MySpace.com/fredonneur. Super, ça. C'est un CD, tu veux dire. Ah, mais entends-tu les variations? Tu vois? C'est riche. C'est la profondeur. C'est tellement riche. Je l'ai très, très profond. Dan Foley fredonne Noël. Je dis rien contre, là, c'est juste. Dan Foley, peu de gens savent c'est qui, puis se rappellent du groupe QRN, là, mais c'est un groupe alternatif, un peu bizarre, là, un peu rock industriel, électro, là, du début des années 90, dans le temps que Dan Foley était jeune. QRN, moi j'ai beaucoup aimé ce groupe-là. Peut-être que j'en ferai jouer un jour ici du QRN. Puis aussi, ben maintenant, Dan Foley, là, ce qu'il fait, à part que de faire des tunes débiles comme ça, où il fredonne de façon presque obscène, ben, il est aussi gérant d'artistes, entre autres le gérant des Chiens, de Monsieur Mono, Éric Goulet, puis plein d'autres bands. Donc, il y a du goût, le gars. Oh, malgré tout. C'est pas un débile, là, malgré ce qu'on pourrait penser en entendant ce qu'on entend là. C'est super bon. Tu sais, ça devient comme plus sensuel un peu. Ah, ça devient sexy, je dirais même borderline titillant. Moi, je dis, t'as une date dans le temps des fêtes, là, une première date, tu veux impressionner la fille, tu mets ça. C'est gagné d'avance. je souhaite pour vous qu'elle ait pas du poivre de Cayenne dans son sac, parce que vous êtes faite. Dan Foy. Bon, vous êtes à l'Assemblage Requis jusqu'à 17h. On vient d'entendre un petit bloc nouveauté de la part de Kiwan. En fait, il y a des disques qui sont sortis très récemment. On a entendu, donc, si on peut faire un petit résumé, Tegan and Sarah avec Sainthood, Saint-Capot, hein, et The Swell Season et Les Bons Assaisonnements, avec, avec la pièce, avec leur album Strict Joy. Bravo, c'est un beau résumé. C'était bien synthétisé. Merci. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on parle plein air? Ben, de, on pense à hiver, on pense à dehors, on pense à Noël, on pense à neige, on pense à sortir dehors. Oui, c'est ça. Ben, on pense à Émilie aussi qui n'est pas là aujourd'hui parce que normalement, le mardi, à la fin de l'émission, comme ça, c'est toujours le moment où Émilie vient nous parler de plein air, nous suggère des choses à faire, des sorties. Donc, mais pas aujourd'hui parce que c'est la relâche. C'est ça, c'est la relâche. Donc, elle est retournée dans son pays. Donc, Kiwan va prendre sa place, même que je pense qu'il pourrait prendre officiellement sa place, mettons. Ah, tu mets son thème en plus. Ben, pourquoi pas, tant qu'à t'avoir mis des bas collants, ça fait bien. Moi, je trouve ça personnel un peu, ça, utiliser son thème, là. C'est comme prêter sa brosse à dents, il me semble que ça se fait pas. Mais ouais, non, bref. Non, mais tu sais, je veux pas vraiment faire une chronique complète plein air. Je veux juste faire, c'est comme un genre de dommage à la partie conseil de maman qu'Émilie fait toujours dans sa chronique. Tu sais, elle nous donne toujours un petit conseil maternel pour les gens qui voudraient s'aventurer en plein air. Et j'ai rencontré des gens dimanche, en fait, avant hier. Je suis allé au parc de la Mauricie et puis j'ai rencontré deux personnes qui auraient vraiment dû écouter les conseils de maman d'Émilie, mais qui ont clairement pas écouté ses chroniques. Parce qu'en fait, j'étais dans un secteur, pour ceux qui connaissent un peu le parc de la Mauricie, j'étais dans le secteur Saint-Gérard, donc qui est comme la partie au milieu qui est perdue, qui n'est pas une entrée officielle, qui est, je pense, même pas marquée sur les cartes. C'est comme l'entrée underground du parc. J'étais dans ce secteur-là, puis que moi, je connais quand même bien, donc j'étais pas perdu, vraiment pas. Puis de toute façon, moi, je comprends pas comment on fait pour se perdre dans des sentiers. Mais j'ai rencontré un couple de style un peu motard, là, veste de cuir, jeans, avec bottes pointues. C'est vraiment, vraiment pas habillé pour aller dans le bois, qui avait pas d'eau, qui avait pas de nourriture, qui avait rien. Puis qui se sont perdus, qui pensaient qu'ils étaient comme à 2 minutes de leur auto, mais finalement, ils étaient à 10 kilomètres. 10 kilomètres pour quelqu'un qui est habitué de marcher, c'est pas long, mais eux autres, ça leur a pris toute la journée faire ça. Là, ils commençaient à faire noir. Fallait qu'ils s'en retournent dans leur auto à 10 kilomètres. Donc là, on leur a donné de l'eau puis un petit peu de nourriture qu'on avait pour en espérant qu'ils se rendraient jusque chez eux. Parce qu'en plus, il faisait noir, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas rien. Donc, suivez donc les conseils maternels d'Émilie. Ils leur avaient sauvé la vie, finalement. Mais on était comme tellement inquiets, même si, tu sais, on leur a indiqué clairement le chemin pour s'en aller, mais quand même, en sortant, on est allé voir les gardiens du parc. On leur a dit, hey, by the way, il y a un couple de motards qui sont perdus, là. Mais, ouais. Là, moi, je trouve ça drôle, mais en même temps, tu sais. Eux autres, ils trippaient pas. En plus, la madame était diabétique. Donc, Il y avait rien pour eux autres. Là, tu sais, quand tu dis là, que tu t'aventures dans quelque chose que tu connais vraiment pas. Et que t'es pas équipé, vraiment pas non plus. Ah, Colin. Non, mais sérieusement, le monde, ils font n'importe quoi juste parce qu'ils pensent que ça va être le fun, mais c'est tellement facile de se perdre. Hein. Mais en même temps, tu sais, je dis qu'ils n'ont pas écouté la chronique d'Émilie, mais peut-être qu'en même temps, ils l'ont écouté puis ils ont dit, ah, je connaissais pas le parc de la Mauricie, je vais aller voir c'est quoi, mais là, finalement, ils se sont rendus compte que c'était pas pour eux. Bon. Mais non. Faites attention. Ben oui. C'est le résumé de la chose. Et puis, t'as remplacé Émilie, c'est pas pire. Non, mais c'est ça, je voulais juste faire un brin de causette plein air vu qu'Émilie est pas là. Mais va être de retour la semaine prochaine, mardi. La semaine prochaine, avec un autre conseil maternel. C'est toujours à l'Assemblage Requis jusqu'à 17h. En fait, je dis ça jusqu'à 17h, je pourrais arrêter de le dire parce que l'émission est déjà presque terminée. Parce que c'est terminé, il est presque 17h. Là. Voilà. On est rendu là. C'est ça qui est ça. On finit ça de même, nous autres. Vite de même. Kiwan va rester avec vous et vous allez rester avec Kiwan pour écouter la dernière porte à gauche. Qu'est-ce qui s'en vient ce soir, Kiwan? Il va y avoir entre autres du Moussette, Trois gars sur le sofa. Il va y avoir aussi Nous sommes loups et des surprises. Ah, t'es rendu toi aussi tes appels Nous sommes loups à la place de We Are Wolves, hein, c'est ça que tu fais? Parce que mon émission est comme un concept francophone, c'est pour ça. Et t'as pas le choix, ça. Ah. Nous, on va être de retour tous les deux, Kiwan et moi, à l'émission demain, Assemblage Requis, à partir de 15h. Exactement. Il va y avoir la chronique politique de François Landry. Donc, soyez-y. Il va y avoir aussi les sorties culturelles alternatives avec Sébastien Dulude, qui, en passant, Sébastien Dulude anime son émission ce soir est à le mix juste après Kiwan. À 18h. Donc, votre soirée est prête, votre journée de demain est prête aussi, votre semaine est bien entamée et j'espère que vous avez du plaisir avec nous. Bonne soirée. Bonne soirée, à demain, Marc. Bye. On se quitte avec une pièce de Vanesse Pariétaire. Voici le jour, la nuit.